Fils de personne, fut créé en 1943 au Théâtre Saint-Georges avec Henri Roland, Suzanne Dantès et le jeune Michel François. Mise en scène de Pierre Dux, qui joue à la télévision aujourd'hui le rôle du père. Cette création fut suivie d'une tournée où Maurice Escande jouait ce même rôle. La pièce fut reprise en 1948 au Théâtre Héberto avec Alain Durtal, Suzet Maïs et le jeune Claude Dedieu. Mise en scène de Paul Etli, le Théâtre Héberto l'emporta aussi en tournée. Un peu plus tard, elle entra au répertoire de la Comédie Française, mais quand elle me fut demandée par le Théâtre des Mathurins en 1964, l'administrateur du Français, Maurice Escande, acquiesça au désir que je lui exprimais de reprendre ma pièce. Je jugeais en effet que celle-ci, ne comportant que trois personnages, serait perdue sur la scène et dans la salle de la Comédie Française. Elle fut donc reprise au Théâtre des Mathurins avec Fernand Gravet et Arlette Méry. Après La Reine Morte et Le Maître de Santiago, Fils de personne est celle de mes pièces qui a été le plus jouée à l'étranger. Elle a été donnée à la télévision anglaise et à la télévision italienne. Pour juger Fils de personne, il faut se souvenir avant tout que cette œuvre fut écrite sous l'occupation et que son sujet est situé sous l'occupation. Le rôle des deux zones est important dans cette pièce, la zone occupée par les Allemands, Paris et le nord de la France, la zone du sud, dite zone libre, non occupée. Cela est important parce que quiconque obtenait de rentrer de la zone libre dans la zone occupée n'était jamais sûr d'obtenir l'autorisation de quitter celle-ci. Le père qui renvoie sa maîtresse et leur fils de la zone libre, qu'il ne peut quitter, pour une raison que je vais dire, dans la zone occupée, prend donc le risque de rompre physiquement et moralement avec eux pour un temps indéterminé qui, selon la durée de la guerre, pourrait être de plusieurs années. Cette pièce a toujours été très discutée. On a reproché à Georges sa dureté. Mais ici aussi, il faut faire intervenir la guerre. Georges est un prisonnier évadé, meurtri par la débâcle de son pays, condamné comme prisonnier évadé à ne pouvoir sortir de la zone libre. Il est écorché, mais il a ses raisons de l'être. Aussi bien, si sa position est soutenable, cette position qui est que pour aimer quelqu'un, il a besoin de l'estimer. Il est disqualifié en tant qu'éducateur, puisqu'il a abandonné son fils depuis sa naissance jusqu'à sa 12e année. Ce n'est d'ailleurs pas un éducateur, c'est un homme passionné qui a les réactions et le langage de la passion. C'est dire à quel point ce personnage, et je l'ai répété dès les premiers jours, doit être dissocié de son auteur. Il faut noter aussi que s'il est dur, il est très tendre, d'une sensibilité et d'une tendresse qui sont même peu communes chez les pères. Fernand Gravet, quand la pièce fut donnée au Mathurin, fit ressortir merveilleusement la tendresse de Georges. Toute la pièce s'en trouvait humanisée. J'ai lu il y a quelques mois dans un journal du soir les résultats d'un gallop fait dans divers pays. Combien de temps un père de telle nationalité consacre-t-il en moyenne par jour à son fils? Parmi les résultats de l'enquête figurait qu'en France, un père consacre en moyenne un quart d'heure par jour à son fils. La France venait en queue de cette étrange enquête. Je ne sais si c'est vrai, mais c'était dans le journal, ça doit donc être vrai. Georges Carion, le père de Fils de personne, n'est évidemment pas de cette espèce de père, quoi qu'on puisse dire contre lui. D'ailleurs, il est dit beaucoup contre lui, dans la pièce, par sa maîtresse, à qui j'ai fait la langue bien pendue. Lorsque cet ouvrage fut créé, alors que je n'avais encore donné sur la scène que La Reine Morte et Fils de personne, Paul Valéry écrivit que des deux pièces, c'était Fils de personne qui était la pièce des connaisseurs. Bonjour Marie. Mon ami, excusez-moi de n'avoir pas été vous chercher à la gare. J'ai une migraine. Ce climat de Cannes ne me vaut rien. Vous vous plaignez par ce temps merveilleux. On croirait la canicule. Et dans 8 jours, c'est la Toussaint. Oh, la Côte d'Azur est traître. Ces rues où s'engouffre le vent de mer et ces couchers de soleil. Je vois que j'ai très mal agi en vous faisant venir à Cannes. Et qu'à Angoulême, cet été, couchant par terre sur un matelas dans l'école communale, parmi les hordes de l'Exode, vous étiez mieux qu'ici. Ne dites pas de bêtises. Mais je reconnais que la Côte d'Azur me fait peur. Vous avez bien trouvé Gilles Malaga? Comment n'est-il pas avec vous? Il y avait je ne sais quel gandin de cinéma qui arrivait par ce train. Il est resté à le boire des yeux, la bouche ouverte. Pourvu qu'on ait un complet mode ou seulement un foulard rose tendre, on est un dieu pour Gino. Ma foi, il m'agaçait. Je l'ai laissé. Je pense qu'il va être ici dans un instant. Rien de nouveau à Marseille? De plus en plus de travail. Ce n'est pas que mes confrères marseillais voient, je crois, d'un très bon œil, un avocat connu du barreau de Paris venir s'installer parmi eux. Mais les circonstances de cette sorte d'exil où je suis forcé pour la durée de la guerre, et le fait que je sois un prisonnier évadé, me créent ici des sympathies. D'ailleurs, sympathie ou non, ça pèse, les sympathies qu'on reçoit. Et ça prend du temps, plus que les haines. Mademoiselle Jeannine va bien? Mademoiselle Jeannine sera aux anges quand elle saura comme vous vous intéressez à sa santé. Elle va bien? Ce n'est pas elle plutôt que le procureur qui vous a retenu à Marseille cet après-midi? Pensez que vous consacrez à votre fils. Ne parlons pas de moi, je ne compte pas. Un jour et demi par semaine, et que vous parvenez à rogner sur ce pauvre jour et demi. Arrivez ici après de 10 heures du soir. Cher ami, faut-il vous rappeler que nos conventions ne vous permettent pas de me faire des scènes de jalousie? Ce n'est pas pour moi que je réclame, c'est pour votre fils. Ah, voilà qui est un peu fin. Je vous installe tous deux à Marseille, où je suis obligé de résider à cause de mes affaires. Là-dessus, vous déclarez après 8 jours que cette ville vous est intolérable. Alors, je vous installe ici, où je ne puis que passer les week-ends, et c'est vous qui me reprochez de délaisser mon fils. Bien fait, je ne puis vivre à Marseille. Ce bruit, cette poussière, et puis ce mistral. Oh, ce mistral. Si j'étais resté à Marseille, je vous le dis sans plaisanterie ni exagération. Après 6 semaines, j'aurais dû entrer dans une clinique pour maladie nerveuse. Et puis, il y a un autre fait. Vous vivant à Marseille, et nous deux autre part, vous ne pouvez plus guère voir le petit. Alors, je me demande si toute notre organisation actuelle, qui avait pour but de le rapprocher de vous, n'a pas perdu sa raison d'être. Où voulez-vous en venir? Parfois, je me demande s'il ne voudrait pas autant que moi et Gilou... Vous rentriez à Paris. C'est ça, n'est-ce pas? La scission. Gilou à Paris et moi ici. Et cela durant des années, peut-être. Puisque, comme prisonnier évadé, il m'est impossible de rentrer en zone occupée avant la fin de la guerre. Et ce serait pour cela, tout ce que j'ai fait, dit, souffert, rêvé, espéré, combiné depuis 4 mois. Ou depuis 2 ans. Voilà donc ce que je suis pour lui, pour vous. Après ces 2 ans de mon affection et de ma sollicitude sans reproche. Écoutez, Marie, vous me stupéfiez. Vous me consternez. Est-ce un projet ou une simple lubie? Mettons un désir, mais raisonnable, je crois. Et le petit, vous lui avez parlé de ce désir? Oui, comme ça. Et qu'est-ce qu'il en dit? Vous savez comme sont les gosses, il dit tantôt ceci, tantôt cela, au fond ça lui est égal. Le voici. Tu as bien embrassé ton père à la gare? Oui, 2 fois. C'est vrai, je m'en souviens maintenant, je t'ai trouvé un peu froid et l'air gêné. C'était du même ordre que la migraine de ta mère, les petites conspirations pendant mon absence. Alors, il paraît que tu veux retourner à Paris? Moi? Bon, moi, je fais ce qu'on me dit de faire. Tu avais une opinion plus nette hier. Cannes, cette sale ville, etc. Bon, hier, j'étais de mauvaise humeur parce qu'il a plu toute la journée. De la pluie à Cannes. Bon, aujourd'hui, c'est différent. Vous permettez? Je voudrais bien lui parler un instant en particulier. Si je permets. Mais comment donc? Vous avez 5 jours et demi par semaine pour parler à Gilou en particulier. Accordez-moi le même droit pour le jour qui reste. Accordé, accordé. D'ailleurs, ça ne me changera guère. Même quand nous sommes tous trois ensemble, c'est avec lui que vous riez, avec lui que vous causez. Parfois, je me demande quel rôle je joue entre vous deux. Vous jouez le rôle de la mère? C'est un rôle ingrat. Alors, Gilou, sois bien franc avec ton père. Surtout, ne lui dis rien pour me faire plaisir. Moi, je ne compte pas. Je ne peux pas te parler sérieusement quand ta mère est là. Et je voudrais te parler sérieusement. Oui, mais sois pas trop long. Parce que demain, j'ai l'école à 8h. Il faut que je me couche tôt. L'école le dimanche? Ah oui, c'est dimanche. Alors, c'est vrai, tu veux rentrer à Paris? Mais non, je ne veux pas. C'est maman qui dit ça. Enfin, à elle, tu dis que tu veux rentrer à Paris, à moi que tu ne veux pas. Je reconnais là ton petit art et tes innocentes roueries. Complice avec moi contre ta mère, complice avec ta mère contre moi. Oh, moi, pas aucun, je m'en fiche. À Paris, j'ai mes copains. Mais ici, il y a le soleil. Alors, l'un ou l'autre. Il y a longtemps que ta mère s'est mise dans la tête ce retour à Paris? Elle a commencé de m'en parler il y a 3 ou 4 jours. Rentrer dans le Paris de l'armistice. Au début de l'hiver, dans le Paris du froid sans chauffage, des restrictions, de l'occupation, des bombardements peut-être. Quand on peut vivre si tranquille à Cannes. Mais toi, en toute sincérité, qu'est-ce que tu désires? Moi, tu comprends bien que je voudrais rester avec toi. Seulement, si maman... Et si ta mère insistait pour retourner à Paris, ne voudrais-tu pas revenir vivre à Marseille avec moi? Toutes les fois que tu restes quelque temps sans voir ta mère, tu t'améliores. Et mes études? Je ne vais pas changer de boîte tous les mois quand même. En juin, Janson, en octobre, Bujou au lycée de Marseille, et ensuite l'école Olivier à Cannes, et en novembre, toi à Marseille. Tu as l'air cependant d'accepter assez aisément d'être de nouveau en novembre à Janson. Là, il faut bien. Bah, je peux pas abandonner maman, c'est ma mère. Mais moi, tu peux m'abandonner. Oui, je comprends. Oh, je sommeille. Pas de ces gestes d'affection que démentent tes paroles. T'es fâché? J'avais misé sur toi, j'ai perdu. Cela aussi était un sens. Oh, quelles histoires tu fais! C'était bien la peine d'aimer. La suite de cette conversation, à demain. Comment? La suite de cette conversation, à demain. Charmante façon de me signifier mon congé. Je sommeille. Gilou. Gilou, tu n'as rien d'autre à me dire. Réveille-toi un instant. Mais je ne vais pas passer la nuit là-dessus. Tu n'as rien d'autre. Marie! Votre fils désire rentrer avec vous à Paris. Vous pourrez donc, si bon vous semble, prendre le premier train de réfugiés qui partira. J'assurerai votre existence à Paris dans les mêmes conditions où je le faisais à Cannes. Avoir souffert pendant la débâcle tout ce que peut souffrir un homme, mais non, il me restait ceci. Je vous le cache pas, je vous l'avoue, en employant une expression qui peut vous paraître un peu littéraire, mais qui correspond à ce qui est, j'en ai le cœur brisé. Pourquoi est-ce toujours triste, en définitive, d'aimer quelqu'un? Oh, je sais que ma conduite, avoir abandonné sa maîtresse à la naissance du gosse qu'on lui avait fait, avec le chèque sauveur, c'est entendu, enfin... Je veux dire, le chèque de celui qui se sauve. Et être ensuite resté 12 ans et les ignorer aussi complètement que s'ils n'avaient jamais existé, cela ne vous crée pas de grand droit sur eux. 12 ans. Et puis un jour, dans le métro, à la station Châtelet, nez à nez avec vous. Vous et un grand petit bonhomme. Je l'ai regardé, il m'a plu, je me suis dit, pourquoi ne pas l'aimer? Je l'aimais déjà. Il faut dire que dans ce temps-là, j'étais comme tourmenté par une nostalgie de la paternité. Vous n'étiez pas heureuse, vous étiez aux prises avec une situation difficile. De ce jour, j'ai agi de telle sorte que la vie matérielle ne vous fut plus un objet de souci. Mais ne sentez-vous pas que c'est cela précisément qui me gêne, d'être ainsi à votre charge? Nous sommes sans rien ici, vous le savez bien, avec les 3 valises de l'Exode. Être obligé de vous demander quand j'ai besoin d'acheter une robe, toujours recevoir, ne rien donner en échange. À Paris, je travaillerai. Pourquoi vous est-il soudain pénible d'être à ma charge? Depuis 2 ans, vous ne vous en êtes pas plainte. Oui, non, laissez-moi parler, je parlerai ensuite. Quand je suis rentré dans votre vie, vous avez été chic. Vous avez accepté une situation que peut-être peu de femmes auraient acceptée avec autant de franchise. J'ai accepté de n'être plus pour vous que la mère de votre enfant. Vous aviez votre domicile où habitait le petit. Moi, je gardais le mien. Nous nous réunissions presque chaque jour, mais ma vie privée restait à moi. La sorte de pacte entre nous, que nos rapports soient décidément nettoyés de toute mélasse sentimentalo-sensuelle, a été pour beaucoup dans le succès de cette combinaison. Je vous choque, excusez-moi. C'est rien. Plutôt, c'est votre façon de dire les choses. Pendant une année, il y a 14 ans, vous n'avez pas traité nos rapports de mélasse sentimentalo-sensuelle. Notre liaison n'a pas duré 1 année, elle a duré 7 mois. Quelle mémoire précise! 7 mois et combien de jours? Oh, quand même, mon cher. Mais ai-je le droit de vous appeler mon cher? N'est-ce pas une familiarité déplacée? J'ai des gens qui se disent vous, qui peut-être demain vont se dire cher monsieur, chère madame, ce vous. À l'une de vos permissions, quand nous sommes allés ensemble chez le fleuriste de l'avenue Mozart qui nous avait connus autrefois, j'avais envie de vous dire à l'oreille, dites-moi tu pendant 5 minutes. J'ai honte. C'est amusant. C'est ce que je pensais à Marseille le mois dernier, dans le restaurant où je déjeunais avec Gilou, quand il lui arrivait de lire le journal depuis le hors-d'œuvre jusqu'au dessert. J'avais toujours envie de lui dire, parle-moi un peu, à cause du garçon. Gilou, nous y revoilà. Allons, parlons de Gilou, cela vaut mieux. Oui, laissez-moi dire ce qui m'emplit le cœur dans ce moment. Je vous rappelais donc qu'après nous retrouvailles, 1 an s'est écoulé, pendant lequel, comment dire cela d'une façon simple, pendant lequel vous et lui, j'ai sans cesse fait passer votre intérêt avant le mien. Puis la guerre est venue et en 9 mois, je n'ai vu Gilou que 3 fois au cours de permission. Cependant, je l'aimais de plus en plus. Les magies de l'absence. Hélas, sous mon casque trompeur, je n'étais pas tourné vers l'avant. J'étais tourné vers l'arrière. Et je me disais, il fleurit loin de moi, je n'aurais pas connu son fleurissement. Quand je le retrouverai, son rire même aura changé de forme. La dernière lettre que j'ai reçue de vous était datée du 20 mai, de Paris. Puis ça a été l'occupation, j'étais fait prisonnier, je m'évadais, et je me fixais après l'armistice à Marseille sans savoir ce que vous étiez devenu, ni si vous étiez seulement vivant. À mes lettres, vous ne répondiez plus. Je ne vous ai jamais dit ce qu'a été pour moi cette époque-là. Si, mon ami, quand nous nous sommes revus à Angoulême. Oui, je vous l'ai dit alors rapidement et sous la jambe, j'avais la pudeur de mon émotion. Mais aujourd'hui, il faut que vous le sachiez. Aujourd'hui, qu'à vous deux, vous rendez tout ça si vain et dérisoire. Hein, dérisoire, parce que vous êtes en colère, vous employez des mots. À Marseille, j'entreprenais de rétablir ma situation, mais le souci de vous, le souci de lui me pompait en moi tout autre souci comme une éponge pompe une flaque d'eau. J'avais cru que c'était ceci ou cela qui donnait un sens à ma vie. Je voyais maintenant que c'était d'aimer. Gilou avait été bien des fois assez décevant. Ah, que ne l'avait-il été davantage? J'aurais pu me libérer de lui. Mon affection me rongeait et m'empoisonnait. On s'adapte à tout, à l'inconfort, au froid, à la continence, au risque quotidien, mais non à l'ignorance du sort de ce qu'on aime. Croyez-vous que nous n'avons pas éprouvé nous aussi? Cette ignorance, j'y ai vécu 2 mois et 1 semaine. J'écrivais dans toute la France pour savoir où vous étiez. Nul ne le savait. Après chaque courrier vide, c'est-à-dire 2 fois par jour, je faisais la queue 20 minutes à la poste restante, sans y rien recevoir de vous, les paupières douloureuses d'attendre tant en vain. Je multipliais les démarches avec le caractère que vous me connaissez. Je montais les escaliers, j'attendais des gens. On pouvait me faire marcher tant qu'on voulait. Et puis, un jour, votre lettre. Et la vôtre, en échange avec ces premiers mots, je tremble de joie. Vous étiez à Angoulême, dans le troupeau des réfugiés. J'y ai été, j'en ai ramené Gilou. Et pour la première fois, à Marseille, j'ai vécu seul avec lui, 3 semaines. Tandis que vous vous reposiez chez vos amis de Chantenay. Oui, et c'est alors et alors seulement. Croyez-vous que je ne m'en sois pas rendu compte que vous vous êtes engagé à fond sur lui? J'avais mesuré mon affection et ses entraves et je les avais acceptées. Lui, j'avais mesuré ses travers et ses lacunes. Et je les avais acceptées aussi. Alors, je n'ai plus pensé à lui qu'en fonction de l'avenir. Tenez, il y a 8 jours encore, j'ai avalé plusieurs couleuvres d'hommes avec qui je n'ai pas voulu me brouiller en me disant qu'ils pourraient lui être utiles plus tard. S'il y avait eu que moi, je leur aurais cassé les dents. Et c'est maintenant que vous voulez me l'arracher, et pour des années, c'est-à-dire pour toujours. Vous le voulez. Et lui, quand je lui demande ce qu'il en pense, il me répond qu'il s'en fiche. Mais vous a-t-il dit encore? Il dit toujours ce qu'il ne faut mais pas. Il ne s'agit pas de ce qu'il faut ou de ce qu'il ne faut pas. Il m'a dit la vérité, c'est-à-dire qu'il s'en fichait. Mais non, il ne s'en fichait pas. Il et s'en fiche, pas un regret, pas un élan, alors que moi je déborde de peine. Quand un enfant a le cœur gros, ça se voit. Quand un homme aussi a le cœur gros, ça se voit. Excusez-moi, je suis ridicule. Mais quand on a vécu ce qu'un Français a vécu cet été, on est un homme atteint, à la merci de ses nerfs. Bien souvent, à ceci ou à cela, vous m'avez entendu répondre, je n'ai pas ces faiblesses. En ce moment, je l'avoue, je suis faible. C'est que, depuis 4 mois, je n'ai pas repris mon équilibre. Mais un jour, je le reprendrai. Un jour, Gilot n'aura plus le pouvoir de me faire de la peine. Un jour, il y aura un monsieur Gilles Sandoval que je regarderai en me disant, pensez que j'ai pleuré à cause de ce personnage-là. Georges, me laisserez-vous parler à la fin? Tout ce que vous dites là n'a pas de sens, car je ne quitterai pas Cannes puisque vous le prenez si vivement. À quoi bon? Le mal est fait. La preuve est acquise que cet enfant n'est pas attaché à moi. Mieux vaut donc qu'il s'en aille et que ce long malentendu prenne fin. Mais il vous est attaché. Il vous en donne sans cesse des marques. Ne m'avez-vous pas dit 100 fois votre surprise de son caractère affectueux? Souvent, il m'embrasse avec un grand élan, à propos de rien, comme s'il sentait tout le mal que je me donne pour lui. Mais que de fois aussi, il est affectueux à contre-temps. C'est folle, je t'adore si je lui ai fait cadeau d'un timbre de 40 sous pour sa collection, et puis dans une circonstance sérieuse. Mais il voyait que j'avais envie d'aller à Paris. Il prétendait qu'il avait envie d'y aller pour me faire plaisir. Il a tout aussi envie de rester à Cannes. Vous allez voir comme il va être heureux quand je vais lui annoncer. Gilou, réveille-toi. Nous restons à Cannes. Ne le réveillez donc pas, voyons. D'autant moins que je veux maintenant que vous partiez. Je vous répète que le mal est fait. Que le mal soit fait ou non, votre cœur brûle que je reste. Ne me dites donc pas de partir, surtout de cette voie mal assurée. Si le sacrifice que Déjà votre sacrifice. Il n'y a de sacrifice valable que ceux sur lesquels on se tait. En outre, je redoute extrêmement les sacrifices que les femmes font pour moi. Tous les hommes redoutent les sacrifices que les femmes font pour eux. Ça ne les empêche pas de les accepter. Vous avez accepté le mien, n'est-ce pas? Alors n'en parlons plus. Cela est du passé. Et regardez votre petit garçon. Regardez comme il devient beau quand il dort. J'aime tant son sommeil. Je l'aime parce que il retrouve le visage de ses 5 ans. Et moi, parce que le sommeil lui donne le mystère qu'il n'a pas quand il est éveillé. Mais pourquoi prend-il, lorsqu'il dort, un visage si poignant? Poignant? Je ne trouve pas. Un visage comme s'il était... Georges, taisez-vous. Quelle affreuse idée! Vous ne me mépriserez pas de m'avoir vu pleurer à cause de lui, moi que vous n'avez pas vu pleurer à cause de vous. Et vous ne m'en mépriserez pas. Les femmes méprisent peut-être les hommes qu'elles peuvent pleurer à cause d'elles, mais non ceux qu'elles peuvent pleurer à cause de leur enfant. Vous avez pleuré sur votre enfant. Je serais bien vile de tourner cela contre vous et de vous en mépriser. Et même, je vais vous avouer quelque chose, que je ne sais pourquoi je vous avais tué jusqu'ici. Quand j'ai appris à Gilou, 8 jours après notre fameuse rencontre au métro Châtelet, que vous étiez son père, eh bien, lui aussi, il a pleuré. Pleuré? Pourquoi? 7 ans. Vous pouvez y rêver? N'est-ce pas, vous ne lui direz pas que je vous l'ai dit? Et vous ne lui direz pas que j'ai pleuré aujourd'hui à cause de lui? Non. Mais ne croirait-on pas qu'il pleure en ce moment? Vous ne savez donc pas que lorsqu'il est endormi, la sueur lui vient sur le visage, tandis que son corps reste sec? Non, vous ne le savez pas. Pas plus que vous ne vous étiez aperçu en 12 ans qu'il a une petite tache de vin au jarret gauche. Il a fallu que ce fût moi qui vous le révéla dès le 3e jour après vous avoir retrouvé. L'ayant presque sans cesse sous les yeux, il y a de petites choses de lui que je ne vois plus. C'est le contraire qui serait surprenant. Voyons, Gilou, Viens faire dodo, mon chéri. Oh, qu'il est lourd. Adieu, mon espoir de le remettre en culotte courte l'été prochain et de pouvoir encore le prendre sur mes genoux. Allons, Gilou. Allons, laissez-moi faire. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas. Mon père veut pas que j'en achète et puis je sais pas où le planquer. Mais pourquoi ne le confiez-vous pas à votre mère, tout simplement? Elle, elle en achète des billets. Oh, comme ça! Je connais trop maman. S'il sortait, elle me donnerait 20 francs. Et avec le reste, j'achèterais des affaires utiles. Et moi, je marche pas. On dirait qu'elle va mieux, votre maman, aujourd'hui. Je crois que le médecin vient ce soir. C'est bien comme il est venu la dernière fois. Ah oui, ça c'est un peu fort. Un médecin doit venir quand il le dit. C'est nous qui le payons. Enfin... s'il vient, j'espère qu'il va permettre à maman de sortir. Elle se languit. C'est ça qui la rend malade. Ça fait maintenant 6 semaines que vous êtes à Cannes. Elle ne peut pas s'y faire. Mais dites-moi, pourquoi votre père, il vous défend d'acheter des billets de la loterie nationale? Oh, il dit que c'est idiot. Il m'a expliqué pourquoi, mais je ne m'en rappelle plus. Ah si, que c'est immoral. Il dit que si quelqu'un lui faisait cadeau d'un billet de la loterie nationale, il le donnerait à un pauvre plutôt que de le garder. Que ça lui salirait les mains. Oh, il est raide, votre père, monsieur Gilles. Oh oui, papa, c'est un dur, comme moi. Moi, je veux bien vous garder votre billet. Mais qu'est-ce que vous me donnerez pour ma peine? Je vous apprendrai la combine pour entrer au cinéphone sans payer. Ça va. Et qu'est-ce que vous en ferez des sous si vous gagnez? Si je gagne 1000 francs, j'achèterai un sac à main de 400 francs maman. Je donnerai 300 francs à mon père. Parce qu'avec lui, on sait jamais de quoi il a envie. Je crois qu'il a envie de rien. Et je garderai 300 francs pour les gaspiller. Les gaspiller? À quoi? À des bêtises. Et vous donnerez 300 francs à votre père qui vous a défendu d'acheter des billets? Alors, il saura que vous lui avez désobéi. Ah oui, ça c'est embêtant. Ah mais ça serait rose de rien lui donner. Oh, monsieur Gilles! Oh bon, qu'est-ce que ça fait puisque c'est pas à nous? Il la loue assez cher, leur villa. Oh, voilà le facteur! Ne vous dérangez pas, je vais l'ouvrir. Du Havre de grand-père. Mais il doit être malade comme maman. Il a fait écrire par quelqu'un. Chère Mariette. Mariette, ça c'est nouveau. Enfin, ton père m'a trouvé quelque chose au Havre. J'ai quitté Paris mercredi. Je crois que cette situation inespérée... Oh, mais c'est pas de grand-père, c'est signé Roger. Roger... Il y a même une carte du Havre. On t'a donné cette carte comme ça? Oui. Tu t'étais fait envoyer poste restante? Oui. Avant que ton père ait loué la villa, j'ai donné mon adresse à plusieurs personnes, Cannes, poste restante. Et alors l'autre jour, en voyant que je ne guérissais pas et ne pouvais sortir, j'ai écrit à la poste de me réexpédier ici les lettres envoyées poste restante. Ordinaire, en pareil cas, la poste réexpédie ses lettres sous enveloppe pour venir dans ce pays de sauvages pour les voir réexpédier comme ça. Mais quelle importance l'a-t-il que la poste ait envoyé cette carte découverte? Aucune importance! C'est un cousin à nous. Cousin éloigné, du côté de maman. Je ne le connais pas. Si fallait que tu connaisses toute la famille des cousins, nous en avons. C'est égal, ton grand-père pourrait écrire plus souvent? Oui. Ou ta grand-mère? Quelle fille. Mon Dieu, quelle vie. Seule, sans amis, sans occupation, dans un climat qui vous est mauvais, dans une ville dont on a horreur, sans même pouvoir correspondre à cœur ouvert avec ceux qu'on aime. Et pour combien de temps? Et toujours si déçu en tout. Alors qu'ailleurs... Tout ça pour que ton père te voie quelques heures par semaine qu'il passe à te faire des observations. Oh, tu es censé s'agémir. Eh ben rentrons-y à Paris que ce soit fini une bonne fois. Tu sais bien que je ne peux pas parler de cela à ton père. Ah, oh, ce soleil m'aveugle. Je vais être obligée de porter des lunettes noires. Des lunettes noires à la fin de novembre. Le monde à l'envers. Il n'y a que toi pour te plaindre qu'il fasse soleil à la fin de novembre. Mais si le soleil me fait mal, enfin. On ne pense jamais à ma santé. Oh, le ciel tamisé de l'île de France ou de l'Atlantique. Au Havre, dans la maison de tes grands-parents, le vent de mer ne m'a jamais rendu malade, comme la chaleur moite de cette Méditerranée. Si nous étions au Havre... Tu ne veux pas avoir envie d'aller au Havre, présent? Sous les bombes? Les bombes? Grand-père ne t'a pas écrit qu'ils avaient été bombardés? Il m'a écrit une ou deux fois qu'il y avait eu une alerte. Il a écrit des alertes quotidiennes. Alors tu lis toutes les cartes qu'on m'envoie? Une alerte n'est pas un bombardement. Et avec les Anglais qui peuvent attaquer du jour au lendemain? Mais non, ce sont des histoires de la radio, ça. Puis ici aussi, on risque d'être bombardé. Oh, écoute, maman, tu vas fort. D'ailleurs, même si on était bombardé, qu'est-ce que ça peut faire? Oh, bah dis donc! Mieux vaut mourir auprès d'un être. Enfin, entouré d'affection, comme celle de tes grands-parents, que vivre abandonné et dédaigné. Mais moi, j'ai pas envie de mourir! Moi, j'ai toute la vie devant moi! Oh, toi! Moi, quoi? Moi, je suis vieille, n'est-ce pas? Je peux donc mourir. C'est pas ça? Mais enfin, tu as vécu. J'ai vécu. De sorte que j'ai plus le droit de vivre. Bien si, je veux vivre encore. Longtemps. Et être heureuse. Mais tu viens de dire que ça t'était égal d'être bombardée. Tais-toi donc, petit strain. Voyez-vous ça? Vouloir me faire croire que je me contredis. D'abord, il ne s'agit pas d'affection, il s'agit de santé. Tu te rends pas compte de ce que c'est de sentir qu'on dépérit, que votre santé est compromise. L'atmosphère humide d'ici. Il n'y a pas d'humidité au Havre? La maison de tes grands-parents est à 3 km de la ville. À 3 km, ce n'est plus le climat marin. Le Havre est une ville très saine. Tu t'y porterais admirablement. Sans parler du coût de la vie. Tiens, un seul exemple entre 20. Ici, le kilo de riz vaut 10 francs. Au Havre, ta grand-mère m'a écrit qu'on avait cela pour 6 francs 50. Oh non! Le Havre, c'est la barbe. Ouais. Tu peux être certain qu'au Havre, tu ferais de meilleures études qu'ici. Ce ne sont pas des peignants, là-bas. Alors, j'aurais une mauvaise place en composition. Peut-être, mais à la fin de l'année, tu en saurais davantage. Et tu ne risquerais pas de rater plus tard ton bachot. D'ailleurs, ton grand-père pourrait te faire travailler. Il est vieux. Oui, il est vieux, mais il est de loisir. Tandis que ton père est toujours occupé. Ton père fait une histoire quand tu entres dans sa chambre pendant qu'il travaille. N'empêche qu'il m'a dit, je te défends d'entrer chez moi quand je travaille. Mais au fond... J'attends toujours plus ou moins que tu arrives. Même hier, j'avais laissé la porte ouverte pour que tu aies l'idée d'entrer en passant. Il a dit ça une fois. Et puis ton grand-père t'apprendrait aussi à monter à cheval. Il a un cheval? Oui, un beau petit cheval. Tout rond. On croirait qu'il est nourri de beurre. C'est vrai? Oui. Et il me laisserait monter dessus? Oh, comment il s'appelle le petit cheval? Il s'appelle Frison. Frison. Et tu m'achèterais des bottes? Bien sûr! Oh! Oh, mais laissons cela, mon pauvre chéri. Car il n'en est pas question. Il vaut mieux ne pas remuer ses rêves. Viens, mon chéri. Viens faire câlin avec maman. La consoler. Ah, mon petit. Toujours mon petit pour moi. Que c'est bête d'avoir envie de faire autre chose dans la vie que t'embrasser. Que c'est bon. Ton cou frais comme des lamis de pain. Et ta bonne odeur. Tu m'aimes? Moi, je t'aime. Chaque jour un peu plus. Je suis si seule. Jamais je ne t'ai tant aimée qu'aujourd'hui. Dis-moi, au moins, quand tu m'embrasses, je ne dis pas comme ton père que tu es un petit plotteur. Il dit cela en rigolant. Pas tant que tu crois. Alors, Tu veux que je lui demande de nous laisser aller au Havre? C'est inutile. Après le drame qu'il en a fait il y a un mois. Tiens, ici, à cette même place, pendant que tu étais endormie, il avait les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que tu as accepté de le quitter pour rentrer avec moi à Paris. Tu ne lui diras pas que je te l'ai dit, hein? Garde-toi, je l'entends. Si tu vas faire câlin, il y aura encore des réflexions. Alors, c'est décidé. Tu ne veux pas que je lui en parle? Si tu veux, sans en avoir l'air, juste pour voir ce qu'il répondra. Surtout que ça ne paraisse pas venir de moi. Un monsieur Mauduit a téléphoné pour savoir si vous ou non vous acceptiez de vous charger de son affaire. Non. Il semblait tenir beaucoup à un oui. J'aime refuser. S'il rappelle quand vous êtes en haut, faudra-t-il vous prévenir? S'il vous plaît, quand on refuse, il faut se donner le plaisir de le faire soi-même. Oh, et puis non, je m'en fous trop. Répondez-lui à ma place. Quelle raison donnerais-je à votre refus? Aucune. Je n'ai pas à donner de raison. Et s'il insiste? Raccrochez. Pourquoi est-ce que tu refuses? Je t'ai déjà dit que je ne plaidais que pour des gens qui me paraissent être dans leur droit. Et il n'est pas dans son droit? Tout le monde est dans son droit, mais son droit à lui ne me plaît pas. Bah, moi, je trouve ça idiot que tu refuses. Alors, tu t'es pas fait avocat pour gagner de l'argent? Cette observation est signée. Déjà, l'autre jour, tu disais que Mademoiselle Bastien est une poire. Mademoiselle Bastien s'occupe d'œuvres sociales avec une générosité et un désintéressement rare. Cela suffit pour que tu la juges une poire. De même qu'à tes yeux, un homme d'esprit est un pauvre clown. Et un homme qui met dans sa vie de la poésie, un cinglé. Voyons, Gilles, on peut penser certaines choses, mais ne pas les dire. Mais aimez bien le gronder. Sauf quand c'est moi qui le gronde, bien entendu. Dans ces cas-là, ce petit monsieur a toujours raison. Ne jugez pas trop mal notre enfant. J'ai trouvé dans ma chambre un bouquet de mimosa. C'était un cadeau de Gilou. Un sourire sarcastique, c'est tout ce que ça vous inspire. Tout jeune garçon qui vient de faire une bêtise achète un bouquet à sa mère, cela est classique. Vous devriez avoir honte d'interpréter ainsi et devant lui le geste de ce petit. Et tout jeune garçon qui vient de faire une bêtise passe le bras dans le bras de sa mère, cela aussi est classique. Tu as raison de retirer ton bras, mon chéri. Tu sais bien que ton père trouve ridicule qu'un enfant aime sa mère. N'importe. Quel profond psychologue vous êtes. Je comprends ce que j'aime et ne comprends pas ce que je n'aime pas. Et comme j'aime peu, au bout du compte, je ne comprends pas grand-chose. Les années passent et cependant, touchant les âmes, je vais toujours de ténèbres en ténèbres. Il m'arrive de faire sur elles d'étonnantes et enfantines erreurs. Mon père prétend que les hommes qui sont tenus d'être psychologues par profession, les avocats, magistrats, confesseurs, romanciers, dans leur vie privée ne voient pas ce qui crève les yeux. Il y a aussi, selon la phrase célèbre, les mères qui croient qu'elles connaissent leur fils parce qu'elles reprisent ses caleçons. Comme il y a les pères qui croient qu'ils s'occupent de leur fils, parce qu'ils lui disent en lui tapant dans le dos, tiens ton droit, mon enfant. Touché. Je comprends ce que j'aime et ne comprends pas ce que je n'aime pas. Nous marchons sous un ciel d'espérance, tous unis, travaillons d'un seul cœur, palam, papa. Je t'ai déjà défendu de chanter cette chanson quand je suis là. Qu'est-ce que c'est? C'est une chanson malfrotte? Puis, c'est une chanson niaise. Il y a 2 ans, Gilou achetait au chanteur des rues des romances sentimentales, écrites par des illettrés, imprimées avec 10 fautes d'orthographe. Aujourd'hui, il rapporte des chansons dites de jeunes, écrites également par des illettrés, imprimées avec le même nombre de fautes d'orthographe. Mais qui sont encore plus provocantes que les autres, parce qu'elles ont des prétentions éducatives et sublimes. Mais ne me dites pas que cela est de son âge. Quand j'avais l'âge de Gilou, cette chanson m'aurait écœurée, comme elle m'écœure aujourd'hui. Tiens, c'est un billet de la loterie nationale que j'avais acheté. Mais puisque tu me l'as défendu, je te le donne. Tu fuiras un pauvre. Brave Gilou, t'es quand même un gosse bien quelquefois. Alors embrasse-moi, ton gros jeu me ton fiston. J'ai embrassé le fiston à son réveil. Au revoir, ça compte pas. Si tu m'as pas embrassé avant que j'ai dit 20, tu vas voir. 1, 2, 3. Tu m'aimes ? Bah moi, je t'aime tous les jours davantage. Jamais je t'ai tant aimé qu'aujourd'hui. Diable. Tu te moques. Même si j'avais une petite sœur, eh ben je t'aimerais plus qu'elle. Pauvre petite sœur. Inexistante et déjà escamotée. Encore te fiches de moi. Mais tu m'embrasses tant que j'en suis à me demander si je ne viendrais pas de te donner sans y prendre garde un paquet de cigarettes. Oh. Ou si tu n'en désirerais pas. Oh. Écoute, mon vieux, tu as sommant avec tes coups de coude. Tu fais mal. Sais-tu ce que ça veut dire exactement, ces bourrades? Ça veut dire je suis trop bête pour trouver quoi lui répondre, alors je lui réponds comme ça. Alors je suis bête? Ça t'arrive. Mais vraiment bête? Ou bien tu me le dis parce que tu m'aimes? Comment ça? Tu te souviens pas? À Marseille, tu me disais que j'étais bête. Alors moi, je protestais. Et tu m'as expliqué. Tu comprends non pas? Je te dis que tu es bête parce que je t'aime. Ah oui, oui, je me souviens, je t'ai dit ça. Mais il y a des fois où tu es bête vraiment. Avec ta façon mesquine de voir les choses, ton adoration des fausses valeurs et ton animosité instinctive contre les vrais, cette sorte de mauvaise qualité qui perce trop souvent en toi. Si tu fais attention à tout ce que je dis. Je t'aimerais bien peu si je ne faisais pas attention à tout ce que tu dis. Enfin, t'es gentil quand même. Non, hein? Tu me dépeignes. J'aime te les peigner. Bon, dépeigne-moi un peu, mais pas l'oreille. Que ta mère est agaçante à vouloir que tu te colles les cheveux. Tu es beaucoup mieux avec les cheveux ébouriffés. Moi, je me sens porté bien davantage à m'occuper de ton éducation quand tu n'as pas un brodo sur les cheveux comme un groom d'hôtel. Il est incroyable comme les mères qui savent si bien ce qui leur va à elles peuvent manquer de goût quand il s'agit de leur garçon. Maman dit que les cheveux ébouriffés, c'est mauvais genre. L'arrêt, ça fait sérieux. Hélas, le sérieux n'est pas là. Moi, je voudrais que tu aies les cheveux en chien fou et que tu sois sérieux. Mais tout ce qui est sérieux te fait bâiller. Comme il y a certains hommes, tout ce qui est tendre les fait rire. Quand on explique quelque chose à une femme, même si elle ne comprend pas, elle écoute, elle trouve une réponse. Mais toi, tu détournes la tête et tu parles d'autre chose. Tu as une façon de volatiliser tout mot un peu profond que je te dis, de le rendre inexistant, soit en n'y répondant pas, soit en répondant à côté. Et nous retombons toujours au silence et à l'attente de ton bâillement ou à tes petites inepties. Et tout meurt ainsi, faute de prise sur toi. Et pourtant, j'aurais voulu faire de toi un homme. Oh, moi, j'ai même eu une femme pour couper au service militaire. Oh, tu vois comme tu es, toujours à répondre frivolement et pique frivolement. Couper à quelque chose, voilà votre ambition. À vous autres, garçons de 1940. Moi, j'ai d'ambition. Tu m'as dit l'autre jour, je n'ai pas d'ambition. Ah oui, c'est vrai. Alors, tu veux que je te parle sérieusement? Certes. Tu ne mourras pas. Tu seras grondé si tu mérites de l'être. Bourreau. Bourreau. Un magnifique. Un Molière a passé par là. Beauté de l'enseignement secondaire. Non, je ne te gronderai pas, ne fût-ce qu'à cause de bourreau. Alors, en plus non, tu vas me gronder. Non, promis que non. Parle. Ce que t'es bête de pas te remettre avec maman. Je suis sûre qu'elle en serait contente. Mon vieux, là, tu parles d'une question que tu ne connais pas. Il y a un immense intérêt dans maintes choses de la vie à ce que ces choses soient sectionnées nettement et sans bavure. Mes rapports actuels avec ta mère ont été décidés entre nous il y a 2 ans, sans difficulté. Supposer qu'ils aient quelques inconvénients, s'ils étaient autres, ce ne sont pas des inconvénients, ce sont des drames qu'ils créeraient. Il peut sembler étrange que je sois avec elle comme je le suis. En fait, j'agis là avec une extrême sagesse. Tu pourrais au moins être plus gentil avec elle. L'autre jour, quand tu m'as écrit de Marseille pour l'explication de ma version latine, tu n'as pas mis d'amitié pour elle dans la lettre. Bah, elle l'a lu et a été vexée. Je ne vois pas pourquoi ta mère lit les lettres que je t'écris. Elle les lit toujours. Et elle se vexe à cause d'une pareille vétille. Si vexée aussi, parce que tu ne lui avais pas écrit à elle. Mais je t'écrivais pour un objet déterminé, ton devoir de latin, elle. Je n'avais pas de raison particulière de lui écrire. Oui, mais en ce moment-ci, elle est malade. Et elle a besoin de petites choses qui lui fassent plaisir. Ouais. Ne nous étendons pas trop sur la maladie de ta mère. La mienne m'a raconté que lorsqu'elle était petite, il lui arrivait de se mettre des bandages à une jambe, sans être blessée le moins du monde, pour se rendre intéressante et se faire plaindre. Ta mère s'ennuie à Cannes et rêve de Paris. C'est là sa maladie. Elle dit qu'elle est déçue. Les gens qui sont déçus méritent toujours de l'être. Mais tu ne vois pas qu'elle est malheureuse? Je ne vois pas qu'elle est malheureuse parce que je ne veux pas le voir. Être malheureux, c'est se croire malheureux. Ces fantômes de chagrin ne valent pas le respect. Et puis, qu'elle souffre donc un peu. La douleur est plus apaisante que la joie. Si elle t'entendait? Elle et moi, nous sommes de vrais bons amis. Et rien de grave ne nous sépare. Parfois, elle m'en veut un peu de t'aimer. Et que tu me le rendes. Mais oui, il arrive, quand tu m'embrasses en sa présence, que je crois sentir en elle comme un frémissement. On dirait que je n'ai pas le droit de recevoir ses baisers. Et moi, par moments, je lui en veux un peu, que tu l'aimes. Oui, mais au fond, je lui suis reconnaissant de t'avoir aimé. Et bien aimé. Comme elle est heureuse, elle aussi, j'en suis sûr, qu'il y a un homme qui t'aime et qui, justement, se trouve être ton père. Si au moins tu vivais avec nous. Mais ici, il n'y a personne avec qui causer. Au Havre, elle aurait mes grands-parents. Au Havre? Sous les bombes d'avion, avec les Anglais toujours prêts à débarquer. Mais tout ça, c'est des bourgs. Mais ce ne sont pas des bourgs du tout. Et puis, au Havre, la vie bon marché. Tiens, le kilo d'endives. Oh, je te défends de me parler d'endives. Oh, mais à ces endives, je devine ta mère. Mais je commence à comprendre. Avoue que ta mère s'est mis maintenant le Havre dans la tête et que c'est elle qui t'envoie me tâter. Mais pas du tout. Tu mens mal. On ment mal quand on ment au profit d'un autre que soi. Eh bien, je t'interdis ce rôle d'intermédiaire. Ma parole, si ta mère n'était pas une personne tranquille, je finirais par croire qu'il y a quelque insanité romanesque dans sa rage de s'en aller d'ici. Mais... Marie, il paraît qu'il y a une idée du Havre qui flotte dans l'air, mais je serai très ferme là-dessus. Paris, encore, à la rigueur, mais le Havre, avec les avions, les risques de débarquement, la situation sanitaire qui est mauvaise. Je suis constamment en rapport avec l'agence Havas de Marseille, et je sais qu'il est question d'évacuer les enfants des ports de l'Ouest. C'est entendu, je ne suis père que depuis 2 ans, mais maintenant je le suis. J'ai le devoir et le droit de défendre mon fils contre qui que ce soit, fût-ce contre vous. Même s'il n'est pas tout à fait ce que je voudrais qu'il fût, même si bien des fois il me rebrousse et m'attriste. Vous n'irez pas au Havre. Vous ne pourriez y aller que grâce à moi, car les trains de réfugiés étant supprimés, il vous faut un laissez-passer, difficile à obtenir, que vous êtes incapable d'obtenir par vos propres moyens et que seul je peux vous obtenir par Havas, c'est Maurice Routier. Ainsi, vous disposez de nous à cause de votre situation sociale. Oui, je dispose de vous à cause de ma situation sociale. À cause de mon argent même. Pourquoi ne le dites-vous pas, vous le pensez? Vous m'avez donné un pouvoir sur vous. Vous me l'avez même donné dans les formes, puisque vous m'avez signé une délégation de puissance paternelle sur Gilou. Vous m'avez donné un pouvoir, j'en use. Ne revenez pas sur ce sujet. Si vous êtes capable de parler d'autre chose en ce moment-ci, causons tranquillement comme si de rien n'était. Sinon, remontez dans votre chambre, c'est ce qui sera le mieux. Tenez, je vous rends ce cachet que vous avez donné ce matin à Gilou pour son mal de tête. Il me l'a rapporté parce qu'il y a marqué dessus « Ne pas donner aux enfants ». Tu remets de l'eau sur tes cheveux après tout ce que je t'ai dit. J'en mets juste sur la mèche de tailleur. Monte donc rejoindre ta mère. Je suis sûr que c'est cela que tu veux. passe-moi ta femme. Passe-moi ta femme. J'ai déjà vu aussi, mais j'y ai retourné. Oh, c'est bien. C'est tellement idiot. C'est idiot, donc c'est bien. Donc, retournons-y. Tu l'aimes, Rita Landry? Tu sais qu'elle a épousé Wonder Clark à Hollywood? Oh, c'est une grande artiste. Une grande artiste. Toujours ton respect à tort et à travers. Ah, si tu pouvais être un peu rebelle de la publicité payée. Et tu gobes ça. À 14 ans, monsieur Gogo pour la vie. Oh, monsieur Gogo, dis donc, monsieur Gogo, monsieur Gigot. Une grande artiste. Tu l'as vu jouer? Ben non, mais c'est marqué sur le journal. Dans le journal et non sur le journal. Combien de fois faut-il te le répéter? Mais tout le monde dit sûr. Notre prof dit sûr. Et le prof, c'est ce qu'il dit, il me semble. Tout le monde se trompe. Ah, il y a que toi qui sais parler en mon français. Bon, si j'étais quelqu'un d'étranger à la maison, tu m'écouterais. Je serais l'inconnu, le séduisant, le dangereux, peut-être. Mais je suis le père, c'est-à-dire celui qu'on ne prend pas au sérieux. Oh, évidemment, que demain je plaide une cause retentissante et que ma photo soit dans Paris Soir accompagnée de trois lignes flatteuses, de ce jour même, tout changerait. Et ce que je te dis, ça serait d'être dérisoire pour toi. Voilà où nous en sommes. Mes rapports avec mon enfant et la possibilité qu'il devienne quelqu'un de bien dépendent du fait que ma photo paraisse ou non dans Paris Soir. Tu gémis, je voudrais te voir tous les jours. Ou bien tu glisses avec une gracieuse perfidie. Je me suis un peu ennuyé de toi cette semaine. Tu me demandes de sortir avec toi. Tu m'ahuris de baisers implorants pour que je te tienne compagnie au studio. Et puis quand je suis là, tu lis le journal. Une journée où tu n'as pas lu le journal en ma présence est une victoire. Et quand tu lis le journal, plongé là-dedans comme un goret dans du fumier, on te ferait une pointe de feu, tu ne broncherais pas. Tu te complais dans des choses que je ne puis imaginer seulement sans me sentir souillé. Tu m'entends? Lâche ce magazine! Il faut être un arriéré pour prendre plaisir à ces ordures-là. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a donc dans la vie que la lecture des journaux. Mais tu sais bien que j'aime bouquiner. Bouquiner, tu appelles ça bouquiner? Tout est défendu. Il y a un mois, tu nous as défendu d'aller au Havre. Maintenant, on ne peut plus lire le journal, on ne peut pas écouter la radio, on ne peut même plus jouer aux cartes. T'as fait une scène à maman parce que je joue avec elle tous les soirs à la belote. Un garçon qui se respecte a autre chose à faire qu'à jouer à la belote. Il y a des gens très bien qui jouent à la belote. Et faire quoi? Ah oui, tu voudrais que je fasse du sport. Le sport, c'est bien, mais la belote, c'est mal. Pourquoi? Je suis là d'essayer de te faire sentir des choses que tu devrais sentir de toi-même. Là, de me donner du mal pour quelqu'un qui sans cesse me trahit. Moi, je te trahis. Mais tu me trahis en étant ce que tu es. Il y a 2 ans, quand je t'ai repris, tu avais 12 ans. C'était un peu jeune pour qu'on puisse faire une idée de toi. Puis je t'ai perdu de vue pendant toute l'année que j'ai été mobilisé. Il y a 5 mois, quand nous nous sommes retrouvés, tu ne m'as pas déçu, au contraire. Tout nouveau, tout beau. Mais ensuite, je t'ai connu. Et il a fallu déchanter. En somme, il n'y a que 5 mois que je te connais. Mais plus je te connais, plus je trouve qu'il y a peu de choses en toi qui méritent d'être connues. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme je suis. Je me souviens de ces petits feuillets où j'avais noté des remarques sur ton caractère, des conseils à ton attention, des règles de vie. Quand je t'ai dit, veux-tu que je te les lise? Tu m'as répondu tout à l'heure. C'était quand même mieux que de me répondre à la barbe, comme j'ai cru que tu le ferais. Mais ensuite, le temps a passé. Tu n'y as plus pensé. J'ai vu que ça ne t'intéressait pas, que mes paroles seraient sans importance et sans effet. Elle tomberait sur toi comme la pluie sur la mer, et je n'en ai plus reparlé. Pendant 2 semaines, j'ai apporté ces feuillets chaque samedi dans ma poche, sans jamais trouver l'atmosphère assez favorable pour les en sortir, et sachant bien que si tu m'écoutais, tu ne le ferais que par politesse. Parfois, l'idée me venait de te les donner en te disant, il n'est pas du tout nécessaire que tu m'en parles, je te demande seulement de ne pas les détruire, mais cela même me semblait encore trop. Et chaque lundi, je les remportais à Marseille un peu plus froissés. Et je les regardais avec mélancolie, comme si ce qui était écrit là, c'était toute l'histoire de mon échec avec toi. Et un jour, j'ai jugé que l'épreuve était suffisante. Et je les ai jetés. Et toi, mon vieux? Les feuilles de notre trimestriel, quand je les ai montrées, c'est à peine si tu les as regardées. Un petit coup d'œil, quelque très bien indifférent. Gilou, pour une fois, il sort de toi une parole qui me touche. Si je t'ai fait un peu de peine en paraissant ne pas m'intéresser à tes notes, je t'en demande pardon. Mais Là aussi, il faudrait t'expliquer. Tu sais que je n'attache pas une très grande importance à tes études. Ce qui est important pour toi n'est pas là. Ou alors, à l'école au moins, je m'embête pas. À la maison, tu t'embêtes. Oh oui, ferme. Encore quand tu es là. Le reste du temps. Tu t'embêtes, comme ta mère. Comme s'embêtent les gens qui n'ont rien dans la tête et rien dans le cœur. Moi, je ne me suis jamais ennuyé. De toute ma vie, pas une heure. Même quand j'étais gosse. Il y a toujours une façon intelligente de ne pas perdre son temps. On ne s'ennuie jamais quand on fait de grandes choses. Sais-tu qui a dit ça? Balzac. Il est bon, Balzac? Il est bon, Balzac. On croirait que tu parles d'un camembert. Quelquefois, ainsi, tu as l'air de t'intéresser. Il est bon, Balzac. C'est vrai que c'était un mec trapu qu'on dorsait. Je te réponds. Et je vois aussitôt que tes yeux errent, que tu t'en fiches. Que tu as répondu ça comme tu auras répondu n'importe quoi. Dans les bois en Alsace, la nuit, les types du régiment demandaient « Ça suit ?» pour savoir si les camarades derrière eux n'avaient pas perdu le contact. Eh bien, toi, tu ne suis pas. Que c'est difficile, douloureux, cet effort sans espoir pour toucher avec des mots un autre être. Et c'est là, cependant, qu'est la vie. Bon, alors, Balzac. Eh bien, oui, il est bon, Balzac. Mais à quoi reconnais-tu qu'un livre est bon ou mauvais? Ah, mon vieux, c'est trop compliqué. Je vois pas la peine que tu me l'expliques? Ouais. Bon. Eh ben, je le ferai expliquer par mon prof. Ton prof est un âne. T'es jaloux de mes professeurs. C'est de toi, cela, ou de ta mère? Pourquoi de ma mère? Je reconnais en toi les passages de ta mère. Comme on reconnaît la biche dans la forêt à ses foulées. Tu répètes toujours quelqu'un ou quelque chose. Tu répètes le journal, tu répètes le professeur, tu répètes ta mère. Jamais rien de personnel. Si je te répétais toi, tu serais bien content. Et pourquoi es-tu? Tu prétends tout savoir tout mieux que tout le monde. Mais tu ne sais même pas le numéro de téléphone de ton cabinet à Marseille. Mais ça, c'est de la mémoire. Cela n'a rien à voir avec le jugement. La mémoire, je te la laisse. Elle est l'intelligence des sots. Remonte dans ta chambre. Tu seras durement puni demain pour ta grossièreté. Oh, quelle punition! Tu le verras demain. Oh non, dis-le moi tout de suite. Remonte dans ta chambre. Mon fils est pour moi une cruelle épreuve. Ma part la meilleure et mon moi profond sont par lui ulcérés. Tout ce qui, à mes yeux, donne du prix à la vie, non seulement au sien ne compte pas, mais à l'objet de sa dérision. Moi qui aime tant l'enfance, il arrive que l'enfance à travers lui me fasse horreur. Un enfant, et c'est le mien, me fait honte pour l'homme. Dites donc simplement que cela vous agace qu'il prenne de votre temps et vous dérange dans votre travail. Vous ne me comprenez pas du tout! Avec joie, je lui sacrifierais une part bien plus considérable de mon travail, si je ne savais que tout ce que je fais pour lui est fait en pure perte. Dès à présent, je l'ai jugé, mon fils est un imbécile. Un imbécile? Mais vous, vous êtes bien prétentieux et bien odieux d'envoyer ainsi par-dessus bord. Le terrain est perdu, je le sens, tout le cri. Tout quoi? Des réflexions, des réactions de gosse, qu'il est absurde de prendre au sérieux. Un petit mot peut condamner un être plus sûrement que si vous l'aviez vu voler à l'aventure d'une boutique. Mais non, un être humain n'est pas un verre dont on reconnaît une seule chiquenaude s'il est de verre ou de cristal. Et puis, qui de nous est de cristal? Vous qui passez votre vie à sauver des coupables, vous êtes bien sévère pour votre enfant. Pour qui serait-on sévère, sinon pour son enfant? Pour qui aurait-on de l'indulgence, sinon pour son enfant? Quand j'ouvre ma fenêtre sur le monde, ce qui me fait le plus souffrir, c'est le spectacle de l'indulgence. Partout, je la retrouve, en haut, en bas, l'indulgence. Ce serpent auquel il faudrait écraser la tête. Vous plaidez. Je plaide, vous avez trouvé ce mot. Chaque fois que je dis quelque chose qui me jaillit du cœur ou des entrailles, pour vous, je plaide. C'est par haine de l'indulgence, n'est-ce pas? que vous n'avez pas voulu lui dire tout de suite en quoi il serait puni. Oui, pour faire durer son appréhension. Je ne vous ai jamais connu une telle cruauté avec moi. J'ai plaidé quand j'étais jeune devant le tribunal pour enfants, j'étais plein de pitié pour eux. Mais je n'ai pas de pitié pour lui, parce qu'il est mon fils. C'est monstrueux. J'ai le droit d'exiger de lui ce que je n'ai pas à exiger des autres. Et puis que penserais-je de moi si, étant dur dans les affaires publiques, je me relâchais dans mes affaires privées? Et que Gilou est insupportable. Ah, c'est curieux. Vous avez le génie des mots à côté. Le soir où je pleurais sur cette chaise, vous disiez que j'étais en colère. Je ne reproche pas à Gilou d'être insupportable. Je serais inquiet pour un gosse qui ne serait pas un peu insupportable. Je lui reproche d'être de mauvaise qualité. Mais vous lui parlez d'une façon bien au-dessus de son âge, d'une façon invraisemblable. Il est tout à fait naturel qu'il ne vous paraisse pas à votre hauteur quand il vous répond. Je lui parle dans une forme qui sort de moi comme du feu. Je ne pourrais pas lui parler autrement. La déception qu'il vous cause, n'importe quel enfant vous la causerait. Enfin, vous savez aussi bien que moi que la conversation d'un gamin avec un adulte ne peut se prolonger trop sans les lasser tous deux. Non. Du temps du tribunal pour enfants, j'ai connu des enfants et des enfants du peuple qu'on pouvait entretenir pendant une heure sans lassitude, bien plus, avec goût et intérêt. Ils étaient fins, ils réagissaient juste. Ils avaient des trouvailles, une espèce de génialité. Non seulement Gilou n'est pas d'un bon métal, mais il manque cruellement de génialité. Vous n'étiez pas si féru des enfants quand vous abandonniez votre fils pour 12 années, sans vous soucier seulement du prénom qu'il porterait. Comme on laisse à la cuisinière le soin de donner des noms au petit chat. Pauvre petit misérable, au-dessus de qui tourbillonnent des forces affreuses de malheur et de mort. Et son père vient y ajouter encore du mépris. Le mépris est en vous comme une maladie. Que ne puis-je inoculer cette maladie à ma nation? Avec le pouvoir et du mépris, on ferait sauter la terre. Mais il ne s'agit pas de la terre, mais de notre fils. Tout le monde me fait des compliments sur lui. Vous seul, vous. L'autre jour, Madame Beaufumé lui a donné une série de timbres rares. Et comme je lui disais, je suis confuse, il n'y a aucune raison. Elle m'a répondu, il a une telle gentillesse que c'est un véritable devoir que de lui faire plaisir. Mais sa gentillesse n'est pas en cause. Quand il ne m'écœure pas, je le trouve exquis. D'ailleurs, c'est plus que de la gentillesse. Vous savez bien comme il est affectueux. On ne fait pas une nation avec des hommes affectueux. Il est ponctuel, soigneux, serviable. Oui, il a toujours été ainsi. Toujours. Qu'en savez-vous? Vous ne le connaissez que depuis 2 ans. Il a de la finesse. Le chien qui fait celui qui boite pour n'être pas battu. Et de l'intelligence. De toute la maisonnée, cuisinière y compris. C'est lui qui se reconnaît le mieux dans les tickets d'alimentation. Je sais aussi qu'il est incomparable pour débrouiller le fil téléphonique quand celui-ci est entortillé. Oui, oh, vous pouvez rire. On n'est pas un sot quand on a les notes qu'il a. Et les félicitations du directeur en fin d'année. Enfin, 17 de sciences naturelles, 18 de latin, 18 d'histoire et géographie. Plus 18 d'instruction civique, plus 25 de chant, plus 50 de cosmographie, plus 75 de notions d'hygiène. Tirez une barre et additionnez, total 0, total 1, médiocre. Total un enfant qui n'est peut-être pas un enfant prodige, mais qui est un enfant parfaitement sain. Oui, oui, oui, nous le savons, c'est un enfant parfaitement sain. Si au moins il n'en était pas. S'il avait une passion, la fugue, le vol, la mythomanie, mais il est lisse. Et sur ce lisse, en vain, je cherche à m'accrocher. Je glisse et n'accroche pas. Plat comme ses cheveux, plat. Et c'est très fade et mou. Le visage que vous aimiez en moi il y a 15 ans. Et ses mains veules de petit parisien, ses mains blanches, trop fines, d'enfants élevés par les femmes. Vous osez? Mais où étiez-vous, vous, pendant qu'il était élevé par les femmes? Ah, les enfants. Nous autres, nous rêvons toujours de faire sortir un jour quelque chose d'une de ces petites molécules informes. Et quand un de ces enfants est le nôtre... Or, voici, mon expérience, ma culture, 25 ans de réflexion sur le monde et de jeu contre les hommes, il y a un enfant dont c'était le destin, à double titre, que je lui communique tout cela, puisqu'il est de mon sang et que je l'aime. Et c'est précisément à lui que je ne peux pas le faire, parce qu'il est bête et parce qu'il est bas. Comment n'en avoir pas de rancœur? Comment n'en devenir pas injuste? Et pourquoi ne m'occuperai-je de lui s'il est un médiocre? Il faut que les choses aient une raison d'être. Surtout si elles vous sont lourdes. Et celle-ci n'en a pas. Encore maintenant, il a la gentillesse de son âge. Mais à 30 ans, que sera-t-il? Ne vaudrait-il pas mieux que je m'achète une tapisserie des Gobelins qui est belle une fois pour toutes et qui me fera plaisir toute ma vie, à engouffrer ma force, mon temps, mon argent dans un sac troué où il n'y aura jamais rien? Taisez-vous. Vous n'êtes pas un père. Et la voix de la nature, alors, ça n'existe pas? Qu'est-ce que c'est que ça, la nature? Il y a tout dans la nature. Vous avez pris votre fils comme on prend une maîtresse. Comme ça, pour sa bonne mine, dans une station du métro. Oh non, vous n'êtes pas un père. Vous avez raison, je ne suis pas un père. Je suis un homme qui choisit. Alors, puisque vous en convenez, intéressez-vous à lui matériellement, si vous l'aimez encore assez pour le faire. Mais cessez de vouloir modeler cette petite âme selon vos excentricités. Oh, pourquoi êtes-vous entré dans sa vie pour en troubler le cours calme et simple? Mon fils n'a pas besoin d'être exceptionnel. La nation a besoin que les siens le soient. Contrairement à ce qu'on l'annonce de toutes parts, il n'y a plus aujourd'hui en France pour sauver l'honneur que les individus. Et les individus tirant sur l'exceptionnel. Pensez que demain il fera jour, et avec des fils qui ne seront pas le mien. Au lieu d'exiger toujours avec fureur l'impossible, prenez donc les hommes tels qu'ils sont. Je les refuse tels qu'ils sont. Mais Gilou honorera son pays, en étant un Français peut-être moyen, mais capable et honnête. Oui, inutile de me ressasser que c'est sa médiocrité que vous aimez en lui. Est-ce que vous défendez en prenant sa défense? C'est... Enfin, je me comprends. Quand il me criait « Tu nous embêtes », comme il vouliez bien, vous et lui, comme vous étiez complices. Pour moi, j'ai fait en sorte toute ma vie de n'avoir pas ou presque pas de crétins autour de moi. Je ne commencerai pas à en avoir avec mon fils. Je ne léguerai pas mon nom à un Français qui ne sera que moyen, fût-il capable et honnête. Nous y voilà. Il ne s'agit plus de la nation. C'est votre orgueil, plutôt votre vanité, qui souffre de votre enfant. Je me disais, mais pourquoi cette persécution enragée? De quoi se venge-t-il sur lui avec cette âpreté? Qui veut-il punir en lui? Je le sais maintenant. Vous voulez punir en votre fils quelque chose que vous avez créé et qui n'est pas vous. Ah, vous triomphez, n'est-ce pas, de ne pas l'avoir reconnu il y a 2 ans. Même quand vous le raccrochiez à vous, même quand vous étiez pour lui tout feu, tout flamme, vous restiez prudent, de sang-froid. Vous vous réserviez de le reconnaître ou non à sa majorité. Selon qu'alors vous le jugeriez ou non digne de vous. Dès à présent, c'est jugé. 2 années vous en suffit. L'homme englouti dans la femme, j'ai connu cela. Mais l'homme et la femme engloutis dans le gosse, ça alors... Dieu sait pourtant, le pauvre petit, s'il s'efforce de vous ressembler. Il s'efforce de me ressembler? Il me disait encore hier, si naïvement, tu ne trouves pas? Papa et moi, on a tout à fait le même caractère. Il n'est pas difficile. À tous, c'est papa par-ci, papa par-là. Quelle qu'ait été ma vie, pendant ces 12 années de votre absence, aucun homme durant ce temps ne s'est occupé de Gilou. Aucun homme n'a vécu avec lui, sous le même toit. Mais c'est important pour un gamin, ça. Savez-vous qu'il a pris, ou essayé de prendre, jusqu'à votre écriture? Vous vous plaignez. Mais tout ce que vous lui demandez de faire, à ma connaissance, il le fait. Se brosser les dents 2 fois par jour, son éducation physique, se lever rapidement le matin, sans m'implorer comme il faisait autrefois. Laisse-moi dormir encore 5 minutes, le temps de faire un petit rêve. M'écouter dans les petites choses et m'échapper dans les grandes. Tenez, samedi dernier au cinéma, vous souvenez-vous? Comme il était béat et hilar devant le film qui était, je le reconnais, particulièrement stupide, vous vous êtes tourné vers lui, vous l'avez regardé un instant. Il a tout de suite deviné que son attitude vous choquait. Et il a fait tomber sa tête sur votre épaule. À demi riant, à demi pleurnichant. Comme pour vous demander pardon d'être un peu bête. Comme pour vous dire aussi, laisse-moi être de mon âge. Et il y avait, dans ce geste et dans cette expression, tant de confiance en vous, tant de désir de vous satisfaire. Il vous aime. Est-ce que vous l'oubliez? Vous levez les sourcils. Vous ne me croyez pas? Les gens qui m'aiment m'étonnent. Ils vous aiment. Et c'est tout cela. Oh non. Ce n'est pas suffisant qu'on vous aime. Même pas une fois. Il n'a semblé vous en vouloir d'avoir abandonné sa mère et lui pendant 12 années. Il a l'air de trouver ça tout naturel. C'est un vrai petit homme. Oh. N'avez-vous jamais surpris dans ses yeux cette interrogation? Pourquoi est-ce qu'il m'aime, moi? N'avez-vous pas été bouleversé l'autre jour par sa parole pendant tout le déjeuner? Tu n'as pas eu un regard affectueux pour moi. Vous avez raison. Il m'aime. Hélas. En êtes-vous à souhaiter le prétexte qu'il ne vous aime pas pour ne l'aimer plus à votre tour? Il m'aime. C'est vrai, il m'aime. J'ai beau être de plus en plus rude avec lui, il est toujours pareillement affectueux avec moi. Cette tendresse qui erre, qui se pose sur moi au hasard, cherchant peut-être autre chose. Il m'embrasse et je me dis, d'où viennent ces baisers qu'il me donne? Ah, Marie, je souffre de lui. Je l'aime et je voudrais l'estimer autant que je l'aime. Et je ne peux pas. On ne reprend pas son enfant après 12 ans d'abandon. Si sincèrement que vous l'aimiez aujourd'hui, il reste pour vous un petit étranger. Un enfant adopté, mettons, qui n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Vous l'avez aimé trop tard. Si vous aviez eu un foyer normal, au lieu d'être un virtuose de l'irrégularité. La famille, on y croit ou non, mais on ne fait pas joujou avec. Vous ne me comprenez toujours pas. Je vous répète que je suis pris entre l'affection que je lui porte et une certaine morale qui est mienne. Morale qu'il contredit et offusque. Tour à tour, je la tire et je l'écarte. Un être qui sans cesse s'épuise et se reforme en vous. Je l'aime et je n'aime pas sa présence. Je me sacrifierais pour lui s'il le fallait. Et il m'est arrivé de changer de trottoir en l'apercevant dans la rue. Tantôt je me dis qu'il soit ce qu'il devrait être ou qu'il ne soit pas. Et tantôt, qu'il soit ce qu'il est, pourvu qu'il parle et se taise et chantonne et dorme dans la maison que je lui ai donnée. Je peux reprendre mon quadrimoteur? Ton quadrimoteur? Là, sur la chaise. C'est ça ton quadrimoteur? Ah, il fera bien de manger beaucoup de soupe pour grandir un peu. Tu veux pas me dire ma punition? Pas de punition. Oh chic, t'es un brave gars! Mmh. Eh ben, tiens, je te fais cadre dans mon avion. Gilou. Depuis 3 mois que vous êtes à Cannes, je te le dis, je n'ai pas eu de bonheur de toi. Tu n'es pas comme tu devrais être. De sorte qu'à mon tour, je ne suis pas comme je devrais être avec toi. Je le sais, je devrais t'aimer davantage, mais comment? Tandis que je te vois si indigne, t'aimer davantage quelquefois, je le crois possible. Il y a comme de faux départs, et puis je ne peux pas. Alors je t'évite. Pour n'avoir pas à te montrer une froideur qui t'étonne. Et je suis triste. Triste que tu sois ce que tu es. Triste de ne t'aimer plus autant que naguère. Triste de sentir que je retourne un peu contre toi, tout ce que j'ai fait pour toi, avec tant de ferveur inutile. Je me rappelle ce dimanche d'avril dernier, pendant ma dernière permission. Ce dimanche de beau soleil, nous avons été sur les quais te chercher des livres. Oh, quelle légèreté, quelle jeunesse. Quelle certitude de ne jamais mourir. Comme j'étais content que tu sois à moi. Beaucoup de vie a coulé depuis lors. Tu es passé du domaine merveilleux de ceux en qui j'ai toute confiance au domaine si banal de ceux dont je me méfie un peu. C'est dur de te dire cela. Je te le dis. Il faut mettre le feu aux broussailles de la lande. Tout brûler, et peut-être qu'ensuite, sur la terre nue. Maintenant, je vois bien des choses. Je vois pourquoi tu as pleuré quand tu as appris que j'étais ton père. Je vois pourquoi tu avais un visage si poignant quand tu t'es endormi il y a 3 mois sur ce canapé. Parce que je vois ce qui sera plus tard. Je vois devant moi plus tard, aussi précis que si c'était du passé, tout ce que je ne ferai pas pour toi. Qu'est-ce que tu es au fond? Tu es un enfant abandonné. C'est là ton destin. D'ailleurs, la plupart des enfants en France sont des enfants abandonnés. Ou bien on ne s'occupe pas d'eux, ou bien on s'occupe d'eux si mal, ou bien on s'occupe d'eux quelque temps avec intelligence, et ensuite on les abandonne. Mais toi, alors? Je t'ai abandonné une première fois à ta naissance par égoïsme. Et je t'abandonnerai une seconde par désespoir de toi. Hélas, je t'abandonne déjà. Quand tu as dit hier soir de toi-même qu'en août tu ferais des devoirs de vacances, que tu achèterais le corrigé ensuite, comme si tu ne devais compter sur personne pour t'aider dans ton travail, je t'ai senti si seul, ta bonne volonté si seule. J'en ai le cœur brisé. Oui, oui. Quand tu commenceras d'être grand, je t'abandonnerai encore. Je vois tellement comment cela se passera. Je remettrai de jour en jour de m'occuper de ton avenir. Je te laisserai penser n'importe quoi, faire n'importe quoi, fréquenter n'importe qui, aller avec n'importe quelle femme, tout au hasard, au lieu de te diriger. Et toujours plaisantant avec toi, car lorsqu'on n'a rien à dire aux êtres, la plaisanterie occupe et déguise l'indifférence. Et toujours te donnant de l'argent pour me croire en paix avec mes devoirs envers toi. Bref, je serai un père comme les autres, alors que je n'ai voulu redevenir père que pour être un père différent des autres. Mais pourquoi un père comme les autres? Parce que tu auras été un enfant comme les autres, au lieu d'être supérieur aux autres. Et tu te demanderas toujours pourquoi je t'ai rejeté, puisque les raisons que je t'en donne, tu ne les comprends pas. Et tu resteras ma tristesse et mon reproche, un de ces visages de noyés qui nous regardent éternellement du fond de l'eau. Oh, Gilles, mon petit, fais que je puisse t'aimer, mais-y du tien. Moins que ce ne soit moi, peut-être, qui soit le fautif. Si d'abord je t'avais aimé davantage, peut-être qu'à force d'affection, j'aurais su tirer quelque chose de tout ce qu'il y a en toi d'embarbouillé et de barbare. Oh, tu lisais? Tu n'as pas pu m'écouter 5 minutes quand... Peut-être jamais de ma vie, je ne t'ai parlé si gravement. Eh bien, mon ami, voilà qui simplifie les choses. Dès lundi, je m'occupe à Marseille de votre laissez-passer. Quand je l'aurai, je vous le donnerai ou non, selon ce que je penserai de toi à ce moment. Mais pourquoi pleurer? Le Havre, voyons, les endives à dissous. Viens, mon petit, nous allons annoncer cette bonne nouvelle à ta mère. Et maintenant commence le règne de la mystérieuse douceur. J'ai renoncé. Tu n'entendras plus mes observations. Tout ce qui était défendu devient permis. Tu pourras même t'abstenir de prendre ton fortifiant sans que je te le rappelle. Tiens, et pour commencer, Voilà d'abord 50 francs. Mais pourquoi ne les veux-tu pas? Prends-les, voyons. Tiens, encore 20 francs. Avec ça, tu vas pouvoir aller au ciné. Et bravo d'avance pour Passe-moi ta femme. Ah, quelle bonne journée de dimanche tu vas passer, là. Tu as voulu qu'on descende ses valises. Le porteur les aurait prises au premier. S'il ne vient pas. Tu dis toujours que les gens de par ici sont inexacts. Nous sommes peut-être obligés de les porter à la gare nous-mêmes. Non, ça, je ne veux pas qu'on nous voit porter des valises dans la rue. Nous aurions l'air d'avoir voulu faire l'économie d'un porteur. Nous sommes fous du genre de cas à présent. Ah, ça, tu peux être certain que voilà une région où je ne reviendrai de ma vie. Quand même, il faut être correct jusqu'au bout. Attends, je vérifie les billets. Le reçu de la malle en petite vitesse, ça va. Paulette, donnez-nous donc ici un peu de café. On a le temps. Pourquoi du café puisqu'on a pris le petit déjeuner il y a une heure? Pour se soutenir pour le voyage. Puis tu me feras penser à acheter à la gare des pastilles de menthe. Tiens, on entend siffler les trains ici. J'avais jamais remarqué. Moi, dès le premier jour qu'on est ici, je les ai entendus. J'aimais bien les entendre. Les femmes pensent toujours, quand un train siffle, combien emporte-t-il d'espoir déçu, de rêves irréalisés. Pourquoi ne pensez-vous pas quelquefois aussi à tout ce qu'il emporte d'espoir réalisé? Votre joint fait plaisir à voir. N'y voyez pas autre chose qu'une simple réaction nerveuse contre votre air lugubre. Vous êtes tellement silencieux. Tout ce que j'avais à vous dire est dit. Envoie-nous dès demain une carte Interzone, hein. On n'aurait sans doute pas plus à vous dire qu'aujourd'hui. Oui, mais on verra ton écriture. Et faites bien attention. Pour les nôtres, toujours comprendre le contraire. Si je vous mets ravitaillement facile, ça voudra dire ravitaillement difficile. Et si je vous mets père souffrant, ça voudra dire qu'il est en bonne santé. Les enfants s'amusent. C'est curieux. Vous ne voulez pas comprendre que ces cartes peuvent être lues. La santé de votre père intéresse au plus haut point les Allemands. Maman a raison. D'abord, c'est toujours comme ça qu'on fait dans les romans policiers. Et puis, souviens-toi bien, si je mets ma signature à gauche, ça voudra dire qu'on aura été bombardé. Non, non, veux-tu bien te taire? Eh, dis donc, si on est bombardé, elle a une cave au moins, la maison de grand-père? Bien sûr! Je t'ai déjà dit qu'elle est à 3 km de la ville. Là, on ne risque rien. D'ailleurs, si on devait risquer quelque chose, je ne t'emmènerai pas, voyons. Penses-tu qu'on nous bombarde? Il ne manquerait plus que ça. Une maison que ton grand-père a fait construire après 40 ans de travail. Tu crois, toi, qu'on sera bombardé? Je vous ai déjà dit 50 fois que je crois que cela est probable. Vous prévoyez toujours le pire. Ne le dites pas au moins si vous le prévoyez. On fait venir les choses quand on en parle comme cela. Dire ça à un enfant. Tu te rappelles? Avant la guerre, tu m'avais grondé parce que je t'avais dit, à chaque fois que tu me parleras de la guerre comme si elle devait avoir lieu, t'auras un gage. Et la guerre a eu lieu. Bah, cette fois-là, bah, t'avais raison. J'ai toujours raison. Tu nous as toujours pas dit quand on se reverra? Tu laisses ça dans le vague. Dans 3 mois? 3 mois. Quoi? Encore plus tard? Tu penses que la guerre ne sera pas finie dans 3 mois? Pourtant, il y a une prédiction qui dit que... Tais-toi. Même si la guerre dure plus longtemps, il faut espérer que d'ici là, les prisonniers évadés auront le droit de rentrer en zone occupée. N'est-ce pas? Espérer n'est pas défendu par les lois. Ce serait trop affreux si on ne pouvait pas espérer. N'est-ce pas? Je suppose, en effet, que ce serait peu agréable. Et puis, la guerre finira bien un jour. N'est-ce pas? Je suppose, en effet, que la guerre finira un jour. Madame, on vient pour la facture du boucher. J'y vais. Fils de la femme. Toi aussi, toujours, à t'aveugler, comme elle. Depuis 3 semaines que j'ai commencé à m'occuper de votre laissez-passer, tu n'as pas encore voulu comprendre que même si la guerre finissait demain, aujourd'hui tu me vois pour la dernière fois. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te l'ai dit et redit à satiété. Maintenant, il est trop tard. Dans 1 heure, nous nous serons quittés pour toujours. Mais non, papa! Tu ne feras pas ça? En ce moment, tu es fâché? Fâché, toujours, jusqu'à la fin, les mots de ta mère, les mots à côté. Non, papa! Pour la dernière fois, c'est pas possible! Il y a des choses qui semblent impossibles et qui sont. Fils de la femme, tu ne sais pas cela. Tu t'aveugleras jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu appelles s'aveugler? Ne pas voir ce qui est. Eh bien, toi aussi, tu aveugles, alors. Il y a bien des choses que tu ne vois pas. C'est possible. Mais il y en a davantage que je vois. Qui chante comme cela dans ce moment-ci? Qui? Mais c'est Paulette! Non, ce n'est pas Paulette, c'est ta mère. Sa joie éclate malgré elle. Sa joie monstrueuse. Sa joie incompréhensible. Tant de joie, non. Ah non, ce n'était pas là seulement de l'inconscience, y aurait-il? Y aurait-il quelque chose que je n'ai pas vu? Pourquoi dis-tu que je suis aveugle? Pourquoi dis-tu que c'est Paulette qui chante quand tu sais très bien que c'est ta mère? Est-ce qu'il y a une autre raison que celle de rejoindre ses parents qui fait du Havre pour elle cette obsession insensée? Une raison? Quelle raison? Ici, elle était malade? Tu sais quelque chose. Tu le sais. Tes longs conciliabules avec elle le soir dans sa chambre jusqu'à 10 heures passées, alors qu'à Marseille, quand nous étions seuls, tu me quittais toujours à 9h30. Faut-il que je t'apprenne maintenant pourquoi il y a un mois j'ai voulu changer de chambre? Pourquoi je n'ai plus voulu que ma chambre fût à côté de la sienne? Bah, tu nous entendais causer et cela te dérangeait? Dérangeait? Toujours le génie des mots à côté. Je souffrais de t'entendre rire trop avec elle et t'attarder avec elle trop longtemps et parler comme si vous parliez toujours contre moi. Ta vie ensemble si voisine et si étrangère et ma lutte pour ne pas écouter à la cloison et mon soulagement quand tu ouvrais et refermais la porte de sa chambre pour entrer enfin dans la tienne. Et maintenant, qu'as-tu appris? Qu'as-tu deviné dans cette intimité? Il y a une autre raison pourquoi elle a voulu ce Havre. Ton secret a failli t'échapper. Mais parle! Tout reste encore possible. Si ta mère t'emmène de gaieté de cœur dans cet endroit sinistre, t'arrache à jamais de moi. Et si elle le fait pour le motif qu'il me semble que je devine, ah, je le jure, je lui reprends de force son laisser-passer. Et vous ne partez pas. Je ne lui laisserai pas son exécrable joie. Mais qu'est-ce que tu imagines? Mais moi, je t'immolais à quelque chose de haut et de pur, mais elle... Et voilà qu'en t'immolant, je t'immole aussi à elle. Ah non, non, je ne veux pas de ce partage. Viens, tu vivras avec moi à Marseille. Tu verras, je changerai du tout avec toi. Maintenant, je suis sûr que j'ai le pouvoir de te transformer. Maintenant, je sais tout ce qu'il fallait te dire. Mais parle. Pourquoi voulait-elle le Havre? Mais pour revoir ses parents! Ce n'est pas vrai! Si, c'est vrai! Gilou! Dis-moi la vérité. Ta vie entière peut en être changée. Et la mienne. Gilou! Il a choisi encore une fois. Encore une fois, je suis condamné. Je l'ai sacrifié à l'idée que je me fais de l'homme. Elle l'a sacrifié au besoin qu'elle a de l'homme. Chacun de nous, elle et moi, parlait du sacrifice qu'il faisait. Et c'est lui seul qui était sacrifié. Fils de la femme, non? Fils de personne. Fils de personne, comme les autres. Mais que ce qui est commencé soit poursuivi sans faiblir. Ne cédons pas à ce transport qui me pousse à l'arracher à elle. Et à l'arracher à elle si vainement j'avais pesé, je ne me dédie pas. Oh, force affreuse! Je ne verrai plus ces cahiers tachés d'encre traînés sur toutes les tables, ni cet timbre, ni son quadrimoteur. Dieu, affermissez-moi, tandis qu'il est là pour quelques instants encore, avant de n'être plus là pour jamais, donnez-moi déjà l'oubli de tout ce qu'il fut. Dieu des rigueurs humaines, Dieu des tendresses humaines, faites que jusqu'au bout je reste assez dur pour arrêter sur ses lèvres le petit mot qui me bouleverserait et qui mettrait en moi, au lieu de la paix des choses justes, un remords éternel. Une éternelle horreur. Attends. attention à rien, il a enfermé l'autre Cologne. Oh, mais tu la prends en train. Mais non, le compartiment va peut-être être encombré. C'est tout un aria dans une valise, dans un compartiment bondé. Je n'aime pas que les voisins regardent dans mes affaires. Oh, je sais pas où je l'ai mise, moi. Je vais chercher dans toutes les trois valises pour chercher ton autre Cologne. Oh, je sens que je vais être malade dans le train. C'est comme si c'était fait. Et j'ai besoin d'avoir mon autre Cologne dès maintenant. Oh, ce que tu peux être en... Ça devait arriver. Depuis le réveil, je me disais, il va casser quelque chose. Mais toi aussi, tu casses des choses, mais tu te grondes pas. Mon Dieu, qu'allons-nous faire? Va chercher de la ficelle. Où ça, la ficelle? Oh, puis j'en ai marre à la fin. Tiens, c'est bien simple, je ne pars pas. Allez, où arrose tous les bombes? Tout ça est de ta faute, on avait qu'à rester ici. Gilou! Georges, vous pourriez bien l'aider, cet enfant, tout de même. Mais vous êtes là, sur votre chaise. Où êtes-vous? Je suis au-delà. On ne peut pas voyager avec Gilou. Il s'énerve, il devient odieux. Paulette! Ah, fouillez dans tous les tiroirs. Il faut absolument un morceau de ficelle, la couronne et des valises à céder. Ah, et bien avec ça, on va manquer le train. Il est moins 22. Moins 22. Le porteur devrait être là depuis la nuit. Ah, Dieu merci. Tiens. Bon, je tourne même. C'est toi qui l'as cassé. Oh, ma cause de ton autre colonne. Tiens, ben la voilà ton autre colonne. Ah. Oh, cette ficelle. De quoi aurons-nous l'air? Les émigrants. Les Romains Michel. Et c'est voyant avec ça. Sais-tu ce que tu devrais faire? Tu devrais passer un peu de cirage jaune sur la ficelle, comme ça elle se verrait moins. Hein? Alors maintenant, il faut que je rouvre les trois valises pour chercher du cirage. Eh bien non et non! J'en ai marre! Et si le porteur ne vient pas, bah tant mieux! On restera à Cannes! Ah! Ça va être lui. Oui, c'est lui! Tenez, entrez! Il me semble que j'ai oublié quelque chose, moi. J'ai sûrement dû oublier de mettre quelque chose dans une des valises. Paulette, montez, regardez dans tous les tiroirs. Non, c'est pas la peine, j'y vais tout seul. Je pose les valises dans l'antichambre et je vous y attends, hein? Elle est folle, maman. Ben, moi, j'en ai marre de vivre avec elle. Si j'avais su, je restais avec toi. Su quoi? Mais elle est folle. Je pourrais encore rester si tu voulais. Je suis sûre qu'elle me laisserait bien pourvu qu'elle, elle parte. Trop tard, la source est arrivée. Au moins, rejoins-nous vite. Tu n'as qu'à passer la ligne en fraude. Tu ne sais pas ce que tu dis. Alors fais-moi revenir. Moi, je passerai en fraude. Tiens, si je mets ma signature en haut de la carte, en haut, tu comprends bien? Ça voudra dire fais-moi revenir. Trop tard, trop tard. Pourquoi est-ce qu'on quitte Cannes? Je suis sûre qu'un jour, je me dirai à Cannes, comme j'étais heureux. Tu dis quand les valises sont faites ce qu'il fallait dire depuis 3 mois. Au Havre. Et tout ça parce qu'il y a un type là-bas. Trop tard. Elle se faisait envoyer des cartes postes restantes. Il s'appelle Roger. Il lui écrivait « Chère Mariette ». Trop tard. Oh, tu me feras revenir à Pâques, hein, c'est promis. Je ne fais jamais de promesses. Vous venez, Georges. Allons, dépêchez-vous. Mon Dieu, il faut que je vérifie encore si j'ai bien mes pieds, moi. Je veux revenir avec toi. Mon pauvre papa, je te fais marronner. Mais maintenant, tu verras. Quand je reviendrai, je serai sage. Mon petit et grand garçon. Embrasse-moi. Sur le quai, tout à l'heure. Hein? Laisse-moi.